trouver toutes les informations sur les auteurs, les époques, les lieux, les personnages, une problématique, un fait de société qu'un ouvrage évoque, les influences, le genre, les courants littéraires, que sais-je encore. Vous donne la parole, vos idées, vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Procope Isere, c'est sur la radio Isere FM, tous les dimanches de 15h30 à 16h30. Procope Isere, c'est nous, c'est vous, c'est toutes nos idées. Voilà, c'est parti. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Procope Isere, l'émission littéraire de votre radio. Nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous. Bienvenue, et je dis que vous êtes là pour nous, pas seulement pour l'écoute, mais aussi pour votre contribution. Nous avons mis en place deux outils interactifs pour vous permettre de nous offrir vos contributions à l'émission. Votre courrier électronique est attendu dans la boîte mail procope.isere@gmail.com. Je répète, procope.isere@gmail.com, mais aussi sur la page Facebook. Il suffit de passer le groupe de mots Procope Isere dans la rubrique de recherche de la toile Facebook, mais aussi le numéro WhatsApp, c'est 61 35 83 54, autrement dit 61 358 354 ou 61-35-8-35-4. Gaspard Koumazambo, je suis au micro pour Procope Isere d'aujourd'hui. Et dans un instant, on entre dans le programme du jour. L'émission, c'est Procope Isere, l'émission de la radio Isere FM et l'émission littéraire Procope Isere. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est au programme? La réponse est de un de nos invités, que je prie d'abord de faire la présentation et nous immerger dans le thème et programme du jour. Oui, nous allons parler de la négritude, des dévis de la négritude. Et justement, nous allons essayer aussi de définir le mot négritude. Et nous allons parler aussi des pionniers de la négritude et comment ce mouvement a commencé. Je vais d'abord commencer... Mais d'abord, on va parler aussi de la présentation. Oui, de la présentation, bien sûr, tout à fait. On peut y aller dans ce sens-là. Oui. Ouais, je m'appelle Kawaya Manangoy, Daniel, professeur de français au lycée du Théra. Oui, merci Kawaya Daniel Mwanangoy. J'essaie de préciser aussi que Kawaya Mwanangoy est collaborateur à l'émission Il Procope Isere. Et pour aujourd'hui, je le présente comme invité parce que c'est pas seulement lui. J'ai encore deux invités. Les deux invités se présentent aussi pour qu'on démarre directement à l'émission. Merci de m'accorder la parole. Moi, c'est Inosa Nduimana. Professeur de français au lycée d'Iteba. Mm-hmm. Comme mon camarade, mon collègue vient de le dire, nous allons parler de la négritude aujourd'hui. Oui. Le deuxième invité se présente aussi à lui. Il nous a préparé aussi la négritude, je crois. Directement, votre présentation. Je réponds à nos Deningo et Gide. Mm-hmm. Je suis moi aussi professeur de français au lycée d'Iteba. Niungeko Egide, Nduimana Innocent, Kawaya Mwanangoy, ils sont tous professeurs de français au lycée Iteba. Prokop Izere aujourd'hui est au lycée Iteba, la radio Izere FM est au lycée Iteba. Et pour la mise en contexte de notre émission d'aujourd'hui, la négritude, origine et contexte du mouvement et critique, la question qui se pose est de savoir ce que c'est de prime abord ce concept de négritude. Ce documentaire que nous allons suivre tout de suite va nous mettre en marche. Il s'agit d'un documentaire intitulé Négritude, réalisé par Nathalie Favre et Jean-Baptiste Favre, un couple sénégalais, et la scène se passe au Sénégal. Suivez. À la négritude. Lol, là, on va pas d'idée. La négritude. Bon, je me souviens. What is négritude? Je sais que ce sont des concepts forgés par Senghor et Mekleser et tout ça, mais je n'ai plus la mémoire fraîche quand même. Senghor, Césaire. J'ai tout oublié là. J'en ai entendu parler, oui, mais franchement ce concept m'échappe quoi. Mes amis, dis-moi, l'offre des débattés avant 1824, est-ce que son tournage. Il faut rendre à Césaire ce qui appartient à Césaire. Le nom, donc, nous devons à Aimé Césaire, qui évidemment part du radical latin, niger, nigris, qui signifie noir. C'est lui qui a forgé le mot dans les années 30-38 et qui sera intérimé par les Senghor qui en fera la fortune. Le mot, il peut évoluer, il peut même changer. On peut dire les choses autrement, on peut l'appeler autrement. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a là-dedans. On ne traite plus les gens par couleur, pour leur couleur comme étant des nègres. Mais par contre, au niveau culturel, on peut être fier d'être nègre, culturellement nègre. Cette double dimension de contenu civilisationnel et de contenu racial me semble être une source quelque peu d'ambiguïté. Mais là, le terme nègre, vraiment ça me dérange. Parce qu'en général, les gens utilisent ça comme insulte. Mais vraiment, j'aurais préféré qu'il trouve un autre mot, négritude. Pour moi, ce n'était pas le mot adéquat. C'est l'Occident qui a donné sa dimension péjorative au mot nègre. C'était quelque chose qui était méprisant, etc. Mais c'est formidable qu'un homme, un géant comme Senghor, finalement, l'ait utilisé dans toute sa force et dans toute sa signification. L'âme nègre, être un nègre, ça n'a rien de péjoratif. S'affirmer nègre, même en étant chabin, comme diraient les Antillais, c'est-à-dire très clair, très blanc, c'est quelque part se donner un contenu, se donner une origine, quoi. Donc, dans la négritude, ça, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me plaît assez, oui. C'est d'abord Césaire qui, dans cette vision poétique, a parlé de la négritude comme d'un état d'esprit, comme une condition de l'être. La négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. C'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de non prévu en même temps. C'est essentiellement cela, la négritude, c'est cette vie qui étonne, cette vie qui intervient quand on ne l'attend pas. Et la négritude s'est répandue ensuite avec les amis de Césaire, avec Damas et Senghor. Les apôtres, Jean-Anton, Léopold Senghor, Léon Gontran Damas et Aimé Césaire, avaient pour objet de systématiser la réalité africaine. Alors, toute approche qui a pour obéir à une intention systématique est un concept. C'est plus une idéologie pour la défense de l'ensemble des valeurs produites en Afrique noire et dans la diaspora. En fait, c'est un mouvement. Un mouvement dans lequel se retrouve des intellectuels, des penseurs, des hommes de lettres et des artistes, et qui partagent cet idéal commun de valoriser, de mettre en vedette, de mettre sur la sellette, d'exploiter l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Il y a cette idée de mobilité, de drainage des passions, des personnes, de rassemblement même. Je parlerais plutôt de mouvement, effectivement. Un mouvement, certainement. De la même manière que le panafricanisme ou le conscientisme chez Krumah, etc., nous avons là affaire à des mouvements. Encore une fois, il s'agit d'élever une entité historique à sa propre conscience pour un but bien précis. Nous sommes dans la définition de mouvement. De masse. C'est l'idée d'affirmation d'identité. C'est une identité culturelle parce que longtemps niée. Bon, c'est le fait de se reconnaître comme étant un noir et d'être fier. Ça m'a permis de mettre davantage disons, ce que je suis, de me sentir davantage fier d'être noir. Je suis devenu un noir sans complexe. Les gens comme Saint-Maud, c'est eux qui nous ont poussé en fait à réfléchir sur nous-mêmes. C'est un état d'âme, c'est un état des lieux. Un état des lieux qui nous concerne, nous, les Blacks. Ce concept était donné pour être une quête d'identité. Mais cette identité elle-même, où s'arrête-t-elle et où commence-t-elle? Alors, on peut rechercher l'identité. Et lorsqu'on veut s'identifier avec la race à laquelle on appartient, est-ce que ça s'arrête là? Au-delà de la race, il y a quand même une certaine universalité aussi. On m'a toujours appelé, même quand j'étais gosse, le nègre blanc. Parce que je suis né au Sénégal et j'ai toujours été dans une école où la majorité des élèves étaient noirs. Mes amis ont tous été noirs. C'est comme l'esprit français, c'est comme l'esprit slave. On a l'esprit nègre, on a certaines attitudes fondamentales, de vision du monde qui sont proprement africaines. C'est l'être, si vous voulez. La négritude, c'est le domaine de l'être, de ce que nous sommes. Enfin, de ce que, oui, on participe, quoi. Liliane Castello, parlant de la négritude, en se mettant là-dedans, mais c'est parce qu'elle se sent concernée. Elle y a travaillé. Elle a vécu avec, elle est impliquée. Elle est pénétrée, complètement. Et ça prouve, finalement, que ce n'est pas une question de racisme. Ça prouve que c'est une question d'identité. Elle se sent, elle fait partie de nous. Qu'une européenne, donc, mais se joigne à nous pour dire qu'elle était nègre, était, me semble, quelque chose de très beau et qui participe à la fois de cette civilisation de l'universel dont Senghor parlait beaucoup. Et c'est ça qui fait l'humanité, l'humanisme nègre. Ce qui donne sa signification qui va au-delà de la race en réalité. Et on comprend pourquoi Senghor parlait de négritude et germanité, de négritude et francité, de négritude et arabité, de négritude et latinité, etc., etc., cherchant à retrouver dans l'homme ce qu'il y a dans la négritude. Ou cherchant à retrouver dans la négritude ce qu'il y a chez tous les hommes. Et je pense que le cas de Liliane Castello est intéressant. Elle n'est pas le seul. Certains pensent, des noirs comme des blancs, pensent que je fais du cinéma d'un côté comme de l'autre. Et il y a ceux qui, voient l'authenticité que j'ai. Les valeurs culturelles ne dépendent pas de la peau noire. Elles sont promues, elles sont développées par une vision du monde. Et donc par une culture, par une société. Amilcar Cabral est allé jusqu'à dire dans Unité et Lutte que la couleur n'est pas une force motrice de l'histoire. Donc c'était superfétatoire, aberrant à la limite, que de vouloir échafauder toute une théorie de libération autour d'une chose aussi abstraite que la couleur, qui en rien ne pouvait mouvoir les dynamiques sociales. Ils se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'une couleur, mais d'une réalité anthropologique. Senghor définissait la négritude comme étant l'ensemble des valeurs du monde noir. L'ensemble des valeurs. Toute valeur ne reste pas un élément statique. C'est un élément dynamique qui prend naissance, qui s'épanouit et puis qui disparaît, qui s'estompe. L'Afrique a été longtemps perçue comme le continent le moins civilisé, sinon un continent qui n'est pas civilisé. Et qu'il a fallu que des poètes ou non, ou sinon des écrivains essayent d'affirmer en quelque sorte que l'Afrique a bel et bien une culture, une civilisation digne de nom. Ils ont voulu, à travers ce mouvement, je pense, conscientiser les Africains, donc par rapport à leur état de colonisé. Il s'agit de mobiliser les Noirs, de les armer, pour qu'ils soient en mesure de faire face positivement, avec engagement, à la situation qui leur a été faite. Nous venons de passer 10 minutes dans ce documentaire, le documentaire de Nathalie et Jean-Baptiste Favre. Ils viennent de nous faire le bain de ce qu'était la négritude. Et je rappelle à nos auditeurs que nous avons deux invités et le collaborateur à cette émission, Kawaya Mwanangoy. Et deux invités, c'est bien Innocent Nduwimana et Jide Nyungeko. Ils sont tous professeurs à Troyes. Ils sont tous professeurs de français au lycée Iteba. Voilà, nous venons de passer, je disais bien que nous venons de passer une dizaine de minutes en rendant à Césaire ce qui est à Césaire, n'est-ce pas, ce qui a été dit, Kawaya? Tout à fait. Comme vient de le dire le document de Nathalie Favre et Jean-Baptiste Favre, il faut rendre à Césaire ce qui est à Césaire. Et nous allons, le reste de cette émission, on va faire tout pour rendre à Césaire ce qui est à Césaire. Tout à fait. Mm-hmm. Et là, je vais commencer d'abord par... La définition elle-même. Mm-hmm. Je pourrais dire que ce mot négritude est utilisé pour la première fois par Aimé Césaire dans son cahier de retour au pays natal. Et c'est vers les années 34. Et le mot va aller jusqu'en 1939. Au-delà, parce qu'on va le montrer par après que la négritude a été une des fondements de la période d'indépendance. Tout à fait. Oui, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit les documentaires de Nathalie Favre et Jean-Baptiste Favre. Et sur ce qu'il a dit. Et je dois rappeler que ce documentaire a été produit, vous avez suivi, justement, il y a des poètes, il y a des écrivains, il y a des professeurs d'université, il y a même des étudiants. Et je rappelle que vous avez entendu quand même des personnes célèbres, vous avez entendu Liliane Kestelot, qui a beaucoup produit dans le domaine de la littérature africaine, surtout la littérature négro-africaine, et Liliane Kestelot qui... Malheureusement, elle vient de rendre l'âme, c'était le 28 février de cette année, en 2018, et paix à son âme, justement comme on dit. Alors, en soi, est-ce que vous avez été satisfait de la petite définition qu'on a commencé, effectivement, dans ce documentaire? Est-ce que réellement, on a rendu à Césaire ce qui est à Césaire? Oui, effectivement, Césaire lui-même définit les mots négritus comme étant la simple reconnaissance du fait d'être noir, de son identité, et l'acceptation de ce fait, du destin, de leur histoire et de leur culture. Et puis après, il y a Léopold Sédar Senghor qui va définir aussi la négritude en disant que la négritude, c'est la culture. C'est la culture. C'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques et valeurs économiques, sociales, culturelle et politique, de peuples d'Afrique noire, des minorités d'Amérique, et d'Asie, et d'Océanie. Innocent, est-ce que c'est vrai, la négritude est synonyme de race, de reconnaissance de sa race, de reconnaissance de son unité, plutôt de son identité? Est-ce que c'est que, oui, il vient de le dire, est-ce que vous avez un complément à cette définition de M. Kawaya Mwanangoy? Oui, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Bon, comme on vient de l'entendre dans ce documentaire, la négritude, ce n'est pas seulement une question de race. C'est une affirmation de l'identité. C'est ça. C'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. Donc, on a dit ça parce que... Dans le documentaire, nous avons entendu quand même la voix de Sédar Senghor. Il disait, c'est la reconnaissance de l'être. De l'être. C'est un peu ça. De la métaphysique, Égide. Est-ce que vous voyez que Sédar Senghor, en disant que c'est la reconnaissance de l'être, a dépassé les limites de l'identité? Je parle de la métaphysique pour ne pas donner la dimension à ce terme. Je ne pense pas qu'il a dépassé les limites de l'identité. Oui. Parce qu'il reste toujours au cadre de culture, ouais. De valeur africaine. Mm-hmm. Donc, une valeur africaine... Intimement africaine. C'est intimement africaine, mm-hmm. Originale. Mm-hmm. Donc, cela, si on dit cela, on fait aussi allusion à la culture, peut-être une culture européenne. Mm-hmm. Quelque part, on a nié peut-être une identité africaine, une culture africaine. Alors, mm-hmm. Il faut renforcer en déjà une culture, valeur africaine. Mm-hmm. Oui. Ce n'est pas seulement la couleur de la peau, c'est aussi une culture. Mm-hmm. Dans la confusion d'un étudiant, nous l'avons suivi tous dans le documentaire, dans la confusion d'un étudiant, il a été dit, parler de la négritude, c'est ressusciter Aimé Césaire, c'est parler de Léopold Sédar Senghor, c'est parler de Léon Gounsra Damas. Qu'est-ce que ça veut dire, Innocent? En fait, ce sont les pionniers du mouvement de la négritude. C'est ça. Ces trois auteurs, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léo Gontra Damas, ce sont les trois grands auteurs du mouvement de la négritude. Ils ont jeté les bases. Oui, oui. En fait, parler de la négritude ici, on veut parler du monde noir. Ce n'est pas toute l'Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a le Maghreb, vous voyez. Oui. En fait... Ici, on a voulu valoriser les valeurs culturelles du monde noir. Mm-hmm. Raison pour laquelle cet étudiant-là, mm-hmm. il a fait des confusions. Et ben, peut-être qu'il ne sait pas exactement que Léopold Sédar Senghor, Léo Gontra Damas sont des pionniers du mouvement de la négritude. Voilà, les premiers pionniers du mouvement, c'est dans les Antilles avec Aimé Césaire en Martinique, qui était arrivé avec Léon Gontra Damas. Mais Kawaya Manango, est-ce que ce mouvement n'a pas été inspiré par le passé lointain? Vous voyez quand même la situation géographique des Antilles par rapport aux États-Unis. Est-ce que l'idée n'est pas née aux États-Unis, effectivement, dans la reconnaissance de l'esclavage, pour encore une fois faire un peu de un mouvement contestataire? Est-ce que vous ne voyez pas, est-ce qu'il n'est pas attribué à ce mouvement dans un passé lointain? Oui, effectivement, ce que vous venez de dire est vrai, mais je voudrais d'abord revenir sur ce que notre ami Mais il faut quand même qu'on évolue. Nous avons ce programme, il y a la définition, il y a l'origine, il y a la signification, on va parler aussi de la critique, de la négritude. Oui, effectivement, ce mot est très emblématique, c'est un mot très important. Allez-y. Ce que Gide a dit, je voudrais compléter la définition de Jean-Paul Sartre. C'est ça. Et Jean-Paul Sartre dit que la négritude permet le noir de vivre sa situation de nègre. C'est ça. C'est-à-dire, dans d'autres termes, la négritude est la négation de l'homme noir. Et qu'est-ce que cela a comme signification quand c'est dit par un blanc, par un français? Ah oui, justement, c'est que Jean-Paul Sartre veut soutenir, c'est un philosophe d'abord, mais voudra soutenir le mouvement. On va y arriver, nous avons entendu le professeur Victor Emmanuel Cabrita qui disait, même quand je suis né au Sénégal, on m'appelait nègre blanc. Nègre blanc. Qui était l'autre aussi, parce qu'il a beaucoup fouillé dans la littérature africaine. Oui. Finalement, il a porté ce briquet de noir. Oui. Alors, on évolue un peu. Oui. Je disais, quels sont les précurseurs? Oui, les précurseurs au niveau de la américaine. Oui. Pour revenir à votre question, le précurseur du mouvement la négritude, on a oublié un peu de citer René Marin. René Marin déjà avait déjà commencé à parler de la négritude dans Batoala. Et ça c'est en Guyane, bien sûr, c'est aussi en Guyanais. Mais comme la négritude, comme notre ami Innocent venait de le dire, la littérature négro-africaine, ça va regrouper trois foyers. Les foyers américains avec William Dubois. Et nous sommes déjà dans les origines, voilà, oui. William Dubois, oui. Avec le mouvement des Niagara, bien entendu, il va commencer à chercher l'égalité entre le blanc et le noir. Bien sûr aussi, les soubassements de ce mouvement, ça plonge les racines dans la traite négrière et l'esclavage. Vous voyez aussi et les déportations des Noirs. Et les Noirs ont développé une situation particulière. Tout à fait. Et quelle est cette situation particulière? Ils ont été vendus parce que Noirs. Ils ont été colonisés et exportés parce que Noirs. Et tous ces Noirs-là ont des origines communes. Et nous risquons de faire d'entrer dans le mouvement de la négritude. Je vois Kawaya qui est déjà emporté. Voilà, et Innocent, est-ce que vous pouvez encore une fois dire un mot sur l'inspiration extérieure de la négritude? Oui, je vais ajouter quelque chose, parce que le mot négritude trouve ses origines au niveau de l'histoire. Je trouve ses origines au niveau de l'histoire parce que l'Afrique a connu beaucoup de choses. Donc il y a des Noirs qui ont été déportés aux Antilles. Des origines jusqu'aux États-Unis. Oui, oui. Alors, comme vous venez de le dire, comme précurseur, il y a René Marat d'Ambatora, qui est le premier à exprimer les problèmes de l'homme noir. Donc, l'homme noir a été depuis longtemps asservi, opprimé par l'homme blanc. Alors, à un certain moment, les grands pionniers, les grands artistes, les grands écrivains noirs ont voulu quand même montrer au monde, à l'Occident, que le noir a une civilisation. C'est la raison pour laquelle ils ont évoqué l'ensemble de ces valeurs culturelles pour montrer que l'Afrique a sa propre culture. Mais voilà, Léopold Sédar, c'est plutôt Aimé Césaire qui, avec le cahier dans Retour au pays natal, expose déjà l'identité de la négritude et montre bien effectivement qu'ils veulent parler des racines africaines. Égide, est-ce que le cahier, plutôt le journal cahier dans Retour au pays natal de Léopold Sédar Senghor est une clé, effectivement, à l'affirmation de l'identité, pour montrer que le mouvement avait déjà ses fondements? Permettez-moi un peu de retourner un peu en arrière sur la colonisation et l'esclavage. Normalement, si on parle de la négritude, elle a ses origines, elle a ses débuts. C'est ça. Donc, les débuts de la négritude, c'est l'image du noir d'avant la colonisation. C'est ça. Si on est venu, si les Européens sont venus en Afrique pour coloniser, ils avaient une image qui se représentait au noir. La négritude, c'est l'image du noir qui a causé la colonisation. L'esclavage, la ségrégation des Noirs aux États-Unis et en fait l'apartheid même en Afrique du Sud. C'est ça. Par exemple, le noir n'avait pas de place. Vous avez entendu parler que dans monsieur que nous venons d'entendre, on a parlé de la culture, mais aussi de la couleur de la peau. Si on a évoqué la couleur de la peau, c'est qu'avant, la couleur de la peau noire, face aux Européens, signifier autre chose, est très péjoratif. C'est ça. C'est très voilà, péjoratif. Le terme est péjoratif. Est-ce que la négritude de Kawaya n'est pas péjoratif? Voilà, nous avons suivi tous ensemble le même documentaire. Oui. On a dit, eh bien, ce terme est né en Europe sous forme péjorative et en l'accueillant, en saisissant la balle au bon. Les Africains et les Noirs eux-mêmes, les producteurs littéraires noirs, ils en ont fait une identité, une réception positive. Est-ce que vous pouvez expliquer cette ambivalence, monsieur Kawaya? Oui, moi je peux dire, pour répondre à votre question, que la négritude, ce n'est pas un péjoratif. Parce que d'abord, pensée péjorative, mais l'évolution de la négritude a finalement abouti sur l'identité, sur la reconnaissance de l'identité. Bon, en fait, c'est question de comprendre. C'est question de comprendre les termes. Et parce qu'avoir même la définition, on avait dit que négritude venait de Niger, la racine latine, et négrise qui signifie nègre. Ça n'a rien à voir avec le mot péjoratif. C'est-à-dire, c'est tout à fait... pour Aimé Césaire ici, dans ses poèmes, il cherche à exprimer un idéal de retour aux sources de la négritude. C'est ça. Voilà le problème. C'est-à-dire que ici, nous pourrons dire que c'est à Paris que toutes les idées de l'homme noir ont jailli pour créer une certaine affirmation de l'identité de l'homme noir. Vous comprenez là-bas. Donc, les noirs étaient en sorte, comme Aimé Césaire veut le dire, c'est un rejet de l'assimilation culturelle. C'est ça, et directement, directement, parce qu'il faut évoluer dans cette émission, je vois que nous avons beaucoup parlé dans le concept de la négritude. Et voilà, il y a aussi la clé à cette opposition que Cédar Senghor a apporté quand il a dit que la raison est hélène et la comment dire, il a dit bien que l'émotion est noire et la raison est hélène. Tout à fait. C'est ça. Moi, je voudrais. C'est une clé miraculeuse effectivement pour ouvrir le débat ici. Oui. Léopold Sédar Senghor a dit la raison est hélène et l'émotion est nègre. Si nous suivons les différentes définitions, prenons Jean-Paul Sartre ce qu'il a dit, la négritude, ça permet aux noirs de pouvoir s'affirmer. Bon, alors si nous allons dans le critique ici, vous allez trouver qu'effectivement il y a des émotions du côté des Africains de nègres. Prenons le cas par exemple de Ole Soyinka, qui dit que On n'a pas encore commencé le critique. Vous allez trouver que des réactions diverses, c'est ça. Mais en prenant les différentes réactions, de nègres par exemple, il s'agisse des nègres de Haïti, De Martinique, de Guadeloupe, des îles, ça, vous trouvez en Afrique qu'ils réagissent brutalement. C'est ça. Hein, c'est comme une certaine rebuffade. Brutalement, vous dites Ils réagissent brutalement. C'est la rebuffade. Hein, vous comprenez alors, si vous trouvez aussi ce que l'homme blanc a réagi, la façon dont l'homme blanc a réagi, il dit que, en fait, la négritude est la représentation d'un homme noir. Qui est en harmonie avec lui-même et la nature. Voilà, alors vous trouvez que la manière de réagir est différente. Je crois qu'il nous semble qu'il y a quelque chose de raison et d'émotion. Oui. Voilà, la raison est hélène et l'émotion est nègre, a dit Léopold Sédar Senghor. À vous, monsieur Innocent, quelle est la critique à faire effectivement à cette opposition de la raison et de la race? En fait, je vois dans cette phrase que Léopold Sédar Senghor, comme fondateur de 10 mouvements en Afrique et surtout, en Afrique noire, le mouvement est né en... Lui, il voit loin. Déjà, il voit que le mot négritude va avoir une signification qui va au-delà même de l'ensemble de ces cultures. Parce que en France, il y a eu beaucoup de réactions. D'abord, il y a eu naissance de la revue Légitime Défense. Cette revue a connu un seul numéro. Parce que les Blancs ne voulaient pas entendre l'identité, la reconnaissance de l'homme noir. Le retour au pays. Oui. Alors, comme nous l'avons déjà dit, ces trois auteurs, les pionniers, ont pensé aussi à un journal, le journal L'Étudiant Noir. C'est ce journal-là qui a donné naissance au mouvement, au grand mouvement de l'année de la négritude. Et progressivement, nous allons le voir peut-être dans cette émission, c'est le mouvement de la négritude qui a aidé le monde noir à se débarrasser de la colonisation. Voilà, c'est justement ces clés avec laquelle peut-être Egide nous fait entrer aussi. Et pourquoi Egide? Pourquoi est-ce que ce mouvement qui était littéraire, né d'une inspiration littéraire, a effectivement débouché sur un mouvement politique? Donc, les origines des indépendances des pays de l'Afrique. Ok, merci de la question. Pendant cette période coloniale, presque toute l'Afrique était sous la domination européenne. Donc, toute l'Afrique était en train de souffrir. Si ici on parle de l'affirmation de l'identité africaine, une culture africaine, c'est que pendant cette période, l'Occident niait l'identité, niait la culture, la civilisation africaine. C'est ça. On disait que ils avaient déjà la connaissance que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, oui. C'est ça. On niait tout cela. Mm-hmm. D'ailleurs, la couleur de la peau était aussi la base sur laquelle les Occidentaux s'appuyaient pour coloniser. Mm-hmm. On disait que le noir, qu'il est noir, mm-hmm. que tout ce qui est noir est semblable au diable. Voilà. Voilà. C'est souterrain. Oui. Merci, Egide. Voilà une assimilation culturelle qui fait échec et qui aboutit effectivement à, si vous voulez, au dénouement. L'indépendance est là pour effectivement se débarrasser du blanc. Kawaya, comment est-ce que, effectivement, pour nous mettre encore une fois dans l'histoire de la décolonisation, on parle du concert des nations, la conférence de Bandung, on parle de la, si vous voulez, de l'affirmation de Paris, la présence africaine et tout ça, et comment est-ce que tous ces mouvements ont finalement débouché sur l'échec de l'assimilation culturelle que l'Europe voulait de l'Afrique? Oui, je voudrais abonder, parler dans le même temps que M. Egidiki. Nous allons parler de l'osmose culturelle, l'influence que ce mouvement a provoqué. Mm-hmm. Comprenez? Bien sûr que le mouvement de la négritude a créé une certaine osmose, mm-hmm. et ça a provoqué, en Afrique il y a eu des contacts, mm-hmm. et les gens se sont contactés. Ici, je voudrais rappeler qu'il y a par exemple le panafricanisme mm-hmm. qui a été créé en 1963. Mm-hmm. C'est suite à ces contacts-là qui a été fait entre les poètes. Nkrumah, le grand. Nkrumah, Nkrumah qu'on appelle l'homme d'Nkrumah. Qu'est-ce que ça signifie? L'homme d'Nkrumah, c'est son village. Il est né dans le village d'Nkrumah. Je lis David Rooney, c'est un Britannique qui a écrit un livre appelé L'homme qui croyait à l'Afrique. C'est ça. Hein? Bon, en fait, on parle tout d'Nkrumah là-bas. Mm-hmm. Mais il y a aussi la conférence de Bandung. Mm-hmm. Ici, c'est en Indonésie. C'est ça. Et cette conférence. On parle du Conseil des Nations. Conseil des Nations. Le mouvement de la non-alignement. Le non-alignement. Et puis, la conférence de Bandung a eu lieu du 18 au 24 avril 1955. C'est ça. Et ça réunit 29 pays d'Afrique et d'Asie, oui. Hein, justement sous l'égide de Sukarno, qui était le président à l'époque, et on a essayé de parler de la libération des autres nations, c'est-à-dire procéder à l'accélération des indépendances des autres pays qui n'étaient pas encore indépendants à cette époque-là. Mais vous allez trouver que, évidemment, le mouvement ici négritude est à la base de la décolonisation de la plupart des pays d'Afrique et d'Asie. Oui, c'est cela que je voulais dire. Mais voilà, oui, une émission, notre émission c'est Procope Izere, l'émission littéraire qui nous plonge dans les racines aujourd'hui, dans les racines de la négritude. Nous avons parlé effectivement de la négritude en tant que mouvement dans ses origines, et on a parlé aussi des premiers pionniers de la négritude, et tout en vous répétant, chers auditeurs, que vous pouvez réagir, l'émission est finalement devenue une émission interactive et vous pouvez réagir sur en nous écrivant dans notre boîte mail, c'est procope.izere@gmail.com, mais aussi sur notre page Facebook Procope Izere, vous écrivez directement dans la rubrique de recherche Procope Izere, mais aussi sur notre numéro WhatsApp, c'est 61 35 8 35 4 61 35 8 35 4, et vous avez effectivement, vos idées seront directement développées dans l'émission qui va suivre. Et directement, avant d'entamer la critique du mouvement de la négritude, nous faisons un petit repos et puis on entre encore une fois dans ce mouvement de la plutôt dans la critique de la négritude. L'émission, c'est Procope Isere, les Procope Isere, une émission de la radio Isere FM, elle est là pour vous de 15h30 à 16h30, et il nous reste exactement 15 minutes. Voilà, nous étions en train de parler de la négritude avec Kawaya Mwanangoy, Daniel Kawaya Mwanangoy, comme collaborateur à l'émission, mais aussi Innocent Nduimana comme invité, et Jide Nyungeko comme invité aussi, deuxième invité. Ils sont tous à trois professeurs de français au lycée Iteba. Et nous avons déjà ici déjà dévoré deux chapitres de la négritude. D'abord, le segment même de la négritude, la définition elle-même est sémantique, mais aussi les origines et les précurseurs. Effectivement, nous avons parlé comme mot d'ouverture dans la petite, le petit documentaire que nous avons d'abord commencé. On a dit qu'on va rendre à Césaire ce qui est à Césaire. Et en entrant sur la rhétorique effectivement de la du mouvement de la négritude, un mouvement qui a inspiré d'autres mouvements historiques, c'est la raison, c'est on est revenu à la assertion de Léopold Sédar Senghor en disant que la raison est hélène et l'émotion est noire, pour montrer que effectivement ils étaient engagés. Mais pour ouvrir effectivement le dernier chapitre, la critique de la négritude, une critique interne et une critique externe, voilà le terme, plutôt la citation avec laquelle on ouvre. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, et le tigre saute sur la proie et la mange. Kawaya Mwanangoy, c'est quoi? Effectivement, je voudrais dire ceci, sauf au ciel, où il n'y a pas de critique, mais toute œuvre humaine est sujette à des critiques. Et on n'a jamais été au ciel. Donc nous devons nous attendre aux critiques. Alors, pour cette critique dont vous venez de dire, Léopold Sédar Senghor répond en disant ceci. Le zèbre ne peut se défaire de ses zébrures sans cesser d'être zèbre. Et il répond à Olseinka. Il répond à la critique de Olseinka. C'est ça. Et pour dire ceci, de même que le nègre ne peut se défaire de la négritude sans cesser d'être nègre. Ah, vous comprenez? Oui, c'est ça, effectivement. Égide, est-ce que vous entendez effectivement dans ces deux, les deux, deux auteurs une certaine opposition farouche? Oui, je pense qu'il y a une... Olsoinka, quand il dit que le tigre ne programme pas sa tigritude et le tigre saute sur la proie et la mange, et il y a, voilà, Léopold Sédar Senghor qui dit que le zèbre ne proclame pas ses zébrures. Ne peut se défaire de ses zébrures sans cesser d'être zèbre. Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Olsoinka. C'est ça. Il dit que le tigre... Et soulignons que Olsoinka, c'est un écrivain nigérien. Il est anglophone. C'est l'anglophonie. Je pense que ce proverbe insiste beaucoup sur la ruse qu'il faut utiliser pendant cette période coloniale. Ce qui est très important, il ne faut pas toujours dire la colonisation. Plutôt, il faut utiliser la ruse. Ce qui est très important, c'est de sauter sur cette colonisation. S'il y a moyen de le faire, ne pas toujours crâner, pas toujours dire les négritudes, il faut aussi sauter sur cette décolonisation, sauter sur l'indépendance. C'est ce que je pense. Et il y a Olsoinka qui a dit que les propos de Léopold Sédar Senghor font beaucoup plus de bruit que de réponse à ce qu'il a dit. C'est aussi une critique. Je crois qu'Innocent pouvait dire quelque chose. Il y a Olson, une carte, après avoir entendu effectivement la réponse à ce que ce qu'il a dit, quand il a dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude par le zèbre, effectivement, il a dit finalement, vous faites trop de bruit, mais vous n'apportez rien comme réponse à ma question. Merci, oui. Nous sommes dans le chapitre des critiques. C'est ça. Même à l'intérieur de ces trois grands auteurs du mouvement de la négritude, mm-hmm. il y a une opposition. Mm-hmm. Par exemple, Aimé Césaire, il ne voit pas de la même manière le mot négritude que Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. Pour Léopold Sédar Senghor, lui, il voit chaque fois, il veut faire chaque fois le métissage culturel, c'est-à-dire faire le mariage des cultures, mm-hmm. la culture occidentale et la culture africaine. Mm-hmm. Mais pour Aimé Césaire, lui, il veut à tout prix une décolonisation totale. Total. Mm-hmm. Il ne veut pas demander chaque fois la liberté à l'homme blanc. Mm-hmm. Il veut sauter directement sur la liberté. Mm-hmm. Il veut à tout prix la liberté. Il veut à tout prix l'épanouissement de l'homme de l'homme noir. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle je range Aimé Césaire aux côtés de Orso Yinka. Mm-hmm. Voilà. Lui qui ne voulait pas directement, il voulait la... Il ne voulait pas les bruits, non. C'est la il voulait tout, à tout prix de la le reconnaissance. La reconnaissance totale de l'identité de l'homme. Voilà, les deux oppositions, Sédar Senghor contre Orso Yinka. Maintenant, je me tourne du côté de Kawaya Mwanangoi. Et voilà, 1968... Yambo Oulegem participe effectivement dans ce débat et fait sortir le devoir de violence. L'intrigue d'abord du roman et c'est qu'est-ce qui a suivi? Est-ce qu'il est, il vient pour mettre de l'huile dans le plutôt dans l'opposition, il vient éteindre effectivement le feu entre l'opposition des poètes et l'opposition des écrivains. Oui, quelle que soit la divergence, quelle que soit ce qu'on venait de dire sur les différentes critiques, mais ce qui est évident, c'est que mm-hmm. On voit les objectifs du mouvement, mm-hmm. ce qui était très important. Mm-hmm. En créant ce mouvement-là, d'abord, qu'est-ce qu'on a cherché? À mettre fin à la tribalisation, mm-hmm. au clanisme, et pour être un seul étudiant noir. Mm-hmm. Et le deuxième objectif était de prendre conscience des intérêts communs à tous les Noirs, mm-hmm. d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie et d'Asie. Mm-hmm. C'était ça. Mm-hmm. Et ce mouvement a eu quand même une certaine propulsion, mm-hmm. a fait quand même ce qu'on peut dire, c'est un mouvement qui a fait son chemin, mm-hmm. qui a fait son temps. Mm-hmm. Mais comme toute œuvre humaine, ça ne peut pas manquer de critiques. Mm-hmm. Il va de soi mm-hmm. qu'on fasse des critiques pareilles. Mais est-il que le mouvement de la négritude mm-hmm. a fait son chemin, mm-hmm. a apporté quelque chose de bon et a réveillé les gens, les esprits qui s'endormaient mm-hmm. et ça nous a apporté des indépendances, des déferlements des indépendances en Afrique mm-hmm. et il y a eu beaucoup de changements. Mm-hmm. Et ça, je peux dire que, quelle que soit la critique, mais le mouvement atteint quand même son objectif. Innocent, en quoi est-ce que le devoir de violence de Oulegem vient ici faire effectivement dans cette opposition de vision commune de la négritude? En fait, pendant cette période-là, mm-hmm. il fallait utiliser tous les moyens possibles mm-hmm. pour quand même arriver à la décolonisation totale. C'est la raison pour laquelle mm-hmm. même la violence, mm-hmm. à un certain moment, il fallait user de la violence pour se débarrasser, mm-hmm. pour se débarrasser de l'oppression de l'homme, de la colonisation. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle il a écrit cet ouvrage-là, Le devoir de la violence, pour montrer que si la voie de la négociation, bien la voie de la liberté n'aboutit pas, mm-hmm. il faut user de la violence mm-hmm. pour arracher mm-hmm. donc pour arracher l'indépendance. Voilà. Égide, je crois qu'Égide veut lui aussi, peut-être pour en cheminant vers la fin de l'émission, est-ce que vous ne voyez pas effectivement dans cette tendance une certaine opposition des écrivains anglophones et francophones? Non seulement anglophones, mais les écrivains d'expression française se sont opposés entre eux. Il y a par exemple, je dirais, l'auteur de l'Enfant Noir, Kamal Rey. Lui, il chantait tout simplement la culture africaine. Il fermait les yeux face aux méfaits de la colonisation. Il ne parlait que la vie de chez soi, de son village natal. Alors, celui-là, il a été beaucoup critiqué par Mongo Betty et bien d'autres. Qu'est-ce que c'est la littérature nouveau? Rien, parce que c'est ça, justement, Mongo Betty avec les romans de... Péripétie, l'habitude du malheur. C'est ça, oui. Il a été fortement critiqué. Je peux vous donner aussi bien d'autres œuvres, par exemple, Force et Bonté de Blaise Diagne. Oui, il a été baptisé de recruteur de la chair à Cano, parce qu'il ne faisait chanter qu'il est bien, il ne chantait qu'il est bien fait de la colonisation. Il disait que. Un bon élève répète une leçon bien apprise. Il disait que la colonisation a pacifié l'Afrique et tout consort. Donc ces écrivains-là, ils ont été fortement critiqués par le frère de couleur. Donc une critique, c'est normal. Oui, ils ont bien écrit, mais il fallait aussi une critique parce que fermer les yeux face à ce malheur qui s'abattait sur l'Afrique était aussi critiquable. Je reviens à, je crois que vous pouvez apporter aussi un complément, Kawaya. Nous avons suivi ensemble Victor Emmanuel Cabrita, c'est un professeur, il est aussi poète, il parlait dans le documentaire que nous avons suivi au début de cette émission. Il y a aussi Liliane Kestelo, ils ont été critiqués chez eux en Occident. Ils ont dit effectivement Liliane Kestelo est devenue nègre parce qu'elle a beaucoup produit de la littérature, elle a beaucoup travaillé sur la littérature négro-africaine. Emmanuel, qui, lui, on lui disait, écoutez, monsieur, vous êtes nègre et blanc. Et pourquoi une opposition interne à l'Afrique et de l'autre côté, une certaine négation aussi de la négritude? Je voudrais d'abord dire à ce que mon ami venait de dire, monsieur Innocent, quelles que soient les formes de critique, moi je voudrais dire que la négritude, c'est. Selon Jean-Paul Sartre, c'est une lance. Bon, il ne suffit pas seulement de prendre les armes. Hein? Et la poésie a été un moyen d'expression pour le noir. Et pour justement attaquer l'oppression de l'homme blanc. Vous voyez? Ça a permis à l'homme noir, à l'époque, surtout à l'époque là-bas, les années 1930, pour pouvoir s'exprimer et dire ce qui était au fond, dans l'effort intérieur de l'homme noir. Et alors, si nous pouvons revenir à la question... Mais revenir à la question, oui, de la production anglophone face à la production francophone. Parlons d'abord de Liliane Kestelo. Qui est Liliane Kestelo? Liliane Kestelo, c'est une... Elle a la nationalité belge. Disons, elle est belgo-sénégalaise. Elle est professeure de la littérature comparée au Sénégal. C'est ça. Ah, vous voyez que si on parle de nègre, c'est-à-dire elle est entre les deux. Oui. Oui, elle est blanche et elle est nègre, négresse. Oui. En même temps. Oui. Mais l'autre dont vous avez parlé. Victor Emmanuel Cabrita, il est né au Sénégal. Victor Cabrita, il est né au Sénégal. Oui. Comme Léopold Sédar Senghor. À 10 ans déjà, Léopold Sédar Senghor a eu le privilège d'étudier dans une école primaire où il y avait le blanc. C'est ça. Ah, c'était ça l'avantage, ça lui a permis aussi d'aller de l'autre côté. Oui. Vous voyez, maintenant cette histoire-là, mais quand c'est vous un dites, état d'esprit. Oui, oui, c'est la présence, entre le blanc et le noir. D'ailleurs, on montre bien que la colonisation a permis effectivement à chercher, c'est la cause de l'indépendance, d'une certaine manière. Quand on parle, par exemple, quand on dit qu'on m'a donné la participation dans les deux guerres, les tirailleurs sénégalais, ils ont été là pour nous démystifier effectivement. Ils sont en revenant chez eux, ce sont eux qui ont commencé à lutter pour l'indépendance. Je ne crois pas qu'on peut aller au-delà de ça. Peut-être l'émission tire à sa fin, M. Kawaya. L'émission était Procope Iséré. Procope Iséré, la production de la radio Iséré FM. La production que vous suivez est chaque dimanche de 15h30 à 16h30. Et avant de vous quitter, je vous dis bien que l'émission est désormais interactive. Procope Iséré a son sa propre boîte mail, c'est procope.isere@gmail.com. Procope Isere, c'est il suffit d'aller sur la page Facebook, vous écrivez Procope Isere, vous avez déjà la boîte, vous mettez vos commentaires, vos suggestions. Et vous écrivez directement sur notre numéro 61 35 8 35 4, effectivement, pour interagir. Gaspard Kumazambo, j'étais à l'animation de l'émission avec Kawaya Mwanangoi, comme il est collaborateur à l'émission, Innocent Douimana et Jiden Yungeko, ils sont tous trois professeurs au Lité Iteba. Merci d'être avec nous et à la prochaine occasion peut-être. Je vois que le temps risque de nous être un peu infidèle, mais on va essayer effectivement d'être plus profond que ça. Merci. Mm-hmm. L'émission s'arrête ici. Je remercie vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis. On se retrouve dimanche prochain. Vous pouvez découvrir toutes les informations sur les auteurs, les époques, les lieux, les personnages, une problématique, un fait de société qu'un ouvrage évoque, les influences, le genre, les courants littéraires, que sais-je encore. Procope Isere vous donne la parole, vos idées, vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Procope Isere, c'est sur la radio Isere FM, tous les dimanches de 15h30 à 16h30. Procope Isere, c'est nous, c'est vous, c'est toutes nos idées.